table. Oh, comme c'est ennuyeux. Cette fille-là faisait si bien l'affaire. La malheureuse, il paraît qu'elle n'ose plus rentrer chez vous. Voulez-vous me rendre un service? Bien entendu. Tâchez de la voir. Et dites-lui qu'elle vienne chercher sa malle le soir, après dîner. Surtout qu'on ne la voit pas rentrer chez nous. Vous n'allez pas la renvoyer? Elle n'avait qu'à faire attention. D'ailleurs, si elle n'avait pas crié, personne n'en aurait rien su. Si ça lui faisait mal, tout de même. Je vous assure, elle n'a pas mérité ça. Mais enfin, pourquoi prenez-vous ma maison? Moi, ce que j'en dis... Et quand ce ne serait que pour Madeleine? Quel exemple a proposé une enfant de 16 ans? Allons, je m'en vais. Au revoir. Demain, après-midi? Oui, mais surtout, soyez prudents. Oh, je peux me flatter d'avoir de la chance. Une vraie chance. Qu'est-ce que je suis, moi, Duxin le boucher? Large d'épaule, c'est une affaire entendue, et costaud de partout, mais... C'est pas d'être costaud qui fait. Les femmes, elles aiment d'abord qu'on soit délicat. Le sentiment. Y a que le sentiment. Bonjour, docteur. Oh, cette borne fontaine est l'image même de l'incurie de notre administration communale. À propos, vous savez qu'ils essaient de faire démissionner notre chef d'orchestre? Non, vous êtes sûr? Ils renverraient Corbin? Et comme je vous le dis, naturellement, Corbin va à la messe. Mais... il n'en faut pas plus. Renvoyez Corbin, un homme pareil. Écoutez-le. Ah, c'est un joli tripatouillage dans leur municipalité radicale. Passez-moi l'expression, docteur, mais c'est à vomir. Ah, en quel siècle vivons-nous? Figurez-vous que je cherche ma femme. Tiens, par exemple, ce n'est pas madame, moi aussi je cherche ma femme. Ah, comment se porte-t-elle, madame Moreau? Ah, un peu nerveuse, un peu... J'ai eu du mal. Mais maman est avec une dame qui n'est pas près de la lâcher. Tant mieux, j'avais peur. J'ai aperçu mon père au milieu de l'allée, il m'a encore fallu attendre son départ. Alfred. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Oh, je ne sais pas. Si quelqu'un nous voyait tous les deux assis sur le banc. Dans l'allée, il ne passe jamais personne. Possible. En tout cas, mon père s'y promène en liberté. Voyons, où en étions-nous hier soir? J'allais vous demander si je pouvais vous embrasser. Mais bien sûr, Alfred. Bien sûr. Vous n'avez pas froid? Il fait une chaleur d'été. En effet, il ne fait pas froid. Alfred, vous savez que la semaine prochaine, je vais me confesser? Ah non, je savais pas. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas trop ce que je vais raconter au curé. Dites-lui tout, Madeleine. Quoi, tout? Dites-lui que nous nous aimons, dites-lui que nous voulons nous marier. Mais c'est pas un péché de se marier. C'est vrai, c'est pas un péché. Ce n'est pas comme si vous m'aviez prise par la taille ou par le cou. Ce n'est pas comme si vous m'embrassiez sur la bouche. Par exemple, Alfred! Justement, papa, je voulais te parler. C'est moi qui ne me doutais de rien, mais petit malheureux, tu m'en fais belle. La fille de madame Moreau, une jeune fille bien élevée. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Tais-toi, Alfred, tu m'as vexé. Je n'ai pas mérité que mon fils me fasse une chose pareille. Heureusement qu'elle n'est pas à l'heure. Monsieur Duxin, ne vous fâchez pas, vous allez comprendre. Oh, j'ai déjà compris. Mais puisqu'Alfred a décidé de m'épouser, je ne vois pas pourquoi vous montez sur vos grands chevaux. Comment ça, décider? Mais non d'un chien. Vous ne me croyez pas capable de tenir ma place à la boucherie? Madeleine m'a dit qu'elle aimerait. Laisse donc parler les gens, garnement. Vous savez, je suis économe. Il y a des femmes qui pensent d'abord à la toilette, mais pour moi, le tablier blanc, les galoches. Je vous dis pas. Bien sûr que je ne me laisserai pas sans une robe, un chapeau. Non, laissez donc. Dans la boucherie, on a toujours de quoi. Naturellement. Quand j'achète un veau 3 francs 10 sous, je gagne encore ma vie. Et je vous parle des veaux, alors. C'est pour dire. Puis j'espère bien que mon père me fera une dot. Ah. Oh, votre père, ma pauvre petite, il ne voudra rien entendre. Il est têtu comme une bourrique. Vous ne pouvez pas parler autrement quand tu parles de M. Moreau? Non, je dis comme une bourrique, c'est une manière de causer. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir de l'estime pour M. Moreau. Mais vous verrez ce que je vous dis. Il ne voudra pas de ce mariage. Mais c'est à vous d'arranger les choses, Monsieur Duxin. Alfred me vantait tout à l'heure votre adresse, votre énergie, votre esprit d'à-propos. Moi, mais j'ai rien dit. C'est qu'il est si fier de son père. Mais c'est un bon garçon, mon Alfred. Il vous rendra heureuse. J'y compte bien. Encore faut-il que je l'épouse. Je suis sûre que vous avez déjà votre plan. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour m'en occuper. Mais il ne faut pas qu'on vous voie ensemble aujourd'hui. Hein? Allez, séparez-vous là. Eh bien. Au revoir, Monsieur Duxin. Mais n'oubliez pas notre affaire. Non, soyez tranquille. Hein? Non. Chacun de son côté. Oh. Gracieuse, cette petite Madeleine. Jolie, vive, pas la langue dans sa poche. Sacré Alfred. Il était amoureux. Je prends votre bras, Madame Moreau. Ces escaliers sont si difficiles. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, je ne sais pas, ça rentre par une oreille. Mon deuxième époux. Croiriez-vous que l'avant-veille de sa mort, il me faisait encore des amitiés? Vous me comprenez, Madame Moreau? Sur le banc, votre voisin qui tient la boucherie, je parierais qu'il attend une femme sur ce banc. Mais bien sûr qu'il attend une femme. Ah, vous voyez, encore une de ces folles d'à présent, des femmes qui... C'est ça, une folle, une enragée de son corps et de sa peau qui viendra se coller à lui tout à l'heure. Vous croyez? Mais si on restait encore un instant, on aurait peut-être des chances de la rencontrer. Vite. Ah non, n'en parlons plus. Tenez, parlez-moi plutôt de vos maris. Alors, mon premier époux, eh ben, il était encore plus actif que l'autre. Et maintenant, à la demande générale, voici 100 brémeuses. Pas de 100 brémeuses! Alors, jeune homme. Ta gueule! À bas l'armée! Non, un peu de respect. Pas de sang brameuse! Soyez ferme, monsieur Corbin. Vous avez l'opinion pour vous? Ah, l'opinion? Elle a l'air chouette, l'opinion. Ouais. Non, mais monsieur, je ne vous réponds même pas. Ah, vous ne me répondez pas? Eh ben, moi, je vais vous causer, moi. Je vais vous en causer de sang brameuse. Non, mais rien, monsieur Moreau. Je vais appeler la police. Non, la police! Monsieur, police! Monsieur Moreau, je vous prie, Moreau. Moreau, lâche, ouais! Monsieur, c'est une atteinte. Vous allez voir qui c'est qui va bouger sans brameuse sur les côtelettes. C'est une atteinte inqualifiable à la liberté. Causez donc pas de la liberté. La liberté, c'est nous autres. Monsieur, je ne... Faites donc pas le méchant, hein? Il n'y a pas de bon sens à vouloir batailler comme ça pour un air de musique. Bah, il n'avait pas besoin allez, de faire allez, la allez, allez-vous-en, tranquillement, hein, ouais. Et qu'on n'en parle plus. Il y en a toujours qui viennent se mêler de ce qui les regarde pas. Ah, monsieur Duxin. Je vous tends la main. Comme un loyal adversaire, vous m'avez tiré d'un très mauvais pas. Dans ces affaires-là, il vaut toujours mieux ne pas s'emballer. Vous tenez pour en revenir à nos querelles passées. Oh, laissez, c'est sans importance. Il m'est arrivé d'être un peu excessif. Puisque vous le dites. Mais je ne suis pas un méchant homme. Mais je sais bien. Je sais bien. Vous avez pu vous demander pourquoi? Tenez, M. Duxin, toutes ces émotions m'ont bouleversé. J'ai besoin de vous parler. Comme à un ami. Aussi bien je vous dois une explication de ma conduite. Hein? C'est que, d'abord, il me faut vous dire que ma vie n'est pas exempte de soucis. Oh, oh, oh. Non, quand je parle de soucis, n'allez pas imaginer. À m'entendre, vous pourriez croire... Ah non, mais non. Non, au contraire, Lucienne est une femme, je dirais, trop sévère, trop rigide. Son intransigeance nous rend parfois la vie difficile. Tout le monde a sa part de désagrément. Souvent, elle a une façon de me parler, même de me regarder. Parfois, on se figure. Elle est d'une nervosité, d'une impatience. Surtout depuis quelque temps, elle ne me passe rien. Mec, quand on commence à se mettre martel en tête, on n'en sort plus. Notez que cette disposition d'humeur n'est pas nouvelle, mais je n'ai commencé à y prendre garde que l'année où vous vous êtes installé à côté de chez moi. L'austérité et l'intransigeance de son caractère m'ont frappé tout d'un coup, le jour où je l'ai vu manifester à votre égard une indulgence aimable tellement inhabituelle. Voilà, monsieur Moreau, vous vous forgez des idées, moi je vous le dis. Mais je n'avais pas à vous en vouloir, Lucienne, vous témoignez ce genre de sympathie et d'indulgence que les femmes d'une certaine éducation éprouvent parfois pour les simples. Je le comprenais du reste très bien. Cependant, je vous avais pris en grippe, comme j'aurais pu le faire d'un chat ou d'un perroquet auquel aurait été réservé le privilège de mettre Lucienne de bonne humeur. J'étais loin de me douter que c'était pour ça, voyez-vous. Des raisons aussi subtiles devaient nécessairement vous échapper. N'importe, je veux aujourd'hui oublier mes griefs et, dans la mesure du possible, combler les distances qui nous ont séparés si longtemps. J'espère, monsieur Duxin, trouver en vous un ami loyal. Et un voisin compréhensif. Soyez tranquille. Il est plus de 4 heures déjà. Je m'attends, monsieur Duxin, vous attendez peut-être quelqu'un? Bah, en effet. Enfin, c'est à dire. Oh, je vous laisse. une aventure. Hein? Une aventure. Vous attendez une femme. Jolie femme? Non, ce n'est pas moi qui vais vous blâmer. Je comprends qu'un veuvage aussi prolongé donne de l'impatience. Tu comprends? Elle ne va pas s'ennuyer. Heureusement que vous n'êtes pas arrivé plus tôt. Le vieux était encore dans l'allée. Le vieux? Vous voulez parler de mon mari? Vous pourriez dire monsieur Moreau, c'est la moindre des choses. Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû dire une chose pareille. Tu as les dents blanches, bien plantées. Je l'avais déjà remarqué. Oh! Comme tu es beau! Même dans ton costume. Et pourtant, je l'ai acheté l'année dernière. Tu as bien fait de ne pas mettre de gilet. Tu as le torse libre. On sent la moiteur de la peau. Oh, tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai à te regarder, à te palper la santé. Oh, viens t'asseoir sur le banc. S'il passe des gens, tu m'envelopperas dans ta veste, sur ta peau. Madame Moreau... Non, ne me dis rien. Regarde-moi. Détaille-moi. Tiens. Regarde-moi comme tu regardes une bête avant de la battre. Oh, Lucienne, vous n'êtes pas le genre de femme qu'on ose regarder comme vous dites. Demain matin, à 8h30, je serai seule chez moi. La porte sera entrouverte. Tu entreras, je t'attendrai. Je n'aurai qu'un déshabillé. Oh, comme je t'attendrai. Oh, le cœur m'en bat. J'ai la gorge sèche. Toi, Boucher, tu arrives avec ton tablier. Oh, tiens, je bégaye. Je te vois déjà dans la porte. Tu entres. Tu ne dis rien. Oh, moi non plus, je ne pourrais pas. Chez vous, vous n'avez pas peur que M. Moreau nous tombe dessus? Mais non, je n'ai pas peur. Tu as peur, toi? Non, c'est pas ça, mais... Je voudrais pas lui faire de peine. c'est pas un mauvais homme. Hein? Je peux bien vous le dire maintenant. J'ai de la sympathie pour lui. Vous n'êtes pas difficile. Bah, c'est vrai. Il faut que je vous le dise. Je n'ai plus aucune raison de lui en vouloir. Mais bien sûr, vous lui prenez sa femme. Et vous n'avez pas non plus à être jaloux d'un vieux serin de son espèce. Pour vous, c'est un mari sur mesure. Et pour moi, c'est une autre affaire. Il y a des jours, des moments où, à côté de lui, je me sens comme une bête dangereuse. Moi qui suis jeune, vivre avec ce vieux, entendre ses bavardages de vieux, sentir sur moi son haleine de vieux. Oh, tiens, ne parlons plus de lui. Pensons à demain matin quand tu arriveras chez moi. Comment veux-tu me trouver? Il me semble que je ne serai jamais assez nue pour t'accueillir. Je sais pas, moi. Veux-tu... Ah, tiens, veux-tu que je sois frisée, maquillée, fardée? Ben non. Pourquoi faire? Mais tu sais, comme les femmes de maison close. Quoi? J'aurai le tour des yeux noirs. Comme si j'étais déjà crevée d'amour. Sur les joues, deux rondelles de rouge. Tu m'appelleras Carmen. Voilà des idées. Une paire de boucles d'oreilles. Deux gros cabochons verts, tu vois? Il y a un pendant de strass entre les seins. Il y a de tout dans la boutique du vieux. Mais taisez-vous, je ne veux pas vous entendre dire ça. Ta gueule! La jarretière sera toute en brillante quatre-sous, avec un gros chou rose. Et là, là, par là-dessus, une ceinture avec des franges d'argent que je ferai danser d'un coup de ventre. Tu montes, Boucher, tu montes? Voilà bien avancé. Sert de débiter des bêtises pareilles. Vous, Madame Moreau, la femme de Moreau, de la bijouterie Moreau. Oh, c'est vrai, je suis stupide. Je me mets dans un état. Enfin. Oh, les femmes convenables, dès qu'elles s'énervent, elles se mettent à rêver de lanterne rouge du diable, c'est quoi? Enfin, est-ce qu'on a besoin de se mettre la cervelle à l'envers pour être heureux dans l'amour? Bien sûr. Est-ce que ça ne compte pas? De savoir qu'on vous aime, tout simplement. Oh, je sais bien que tu m'aimes. Tu es une nature sensible. Ben oui, je suis sensible. Oh oui, comme une fille. Je m'en doutais. On dirait que j'ai 18 ans, tout comme mon garçon, Alfred. Il est gentil, ce petit Alfred. Il te ressemble, il paraît doux. Je suis un peu sa mère. Il le sait bien. Il n'a pas peur de moi. Quand la femme est morte, il était petit, c'est moi qui l'ai soigné. Et quand il rentrait de classe, c'est moi qui lui faisais ses problèmes. Enfin, je l'aidais, c'était pas toujours facile. Et plus tard, c'est moi qui lui ai appris le métier. Et je vous prie de croire qu'il a su en profiter. Attendre encore demain matin. Un bon garçon, mon Alfred. Et qui a du sentiment, lui aussi. Toute une nuit. Je crois qu'il s'entend bien avec Mademoiselle Madeleine. À cet âge-là, l'amitié va vite. Il ne faudra pas arriver plus tard que 8h30. Ils ont à peine 2 ans de différence. De ce côté-là, tout est parfait. Voyons, qu'est-ce qui serait parfait? Non, je pensais à nos enfants. Je me disais qu'un mariage... Oh, vous savez bien que M. Moreau ne le voudrait pas. M. Moreau, c'est pas sûr, mais vous, Lucienne. Écoutez, parlons d'autre chose. Vous ne m'avez pas demandé un rendez-vous pour introduire une demande de mariage. Mais s'il s'aimait, si la petite aimait Alfred... Puisque vous insistez, je vous dirai que ce mariage-là est impossible. Vous devriez comprendre vous-même que Madeleine est une jeune fille. Elle connaît du monde, elle est instruite, elle peint, elle joue du piano. Non, c'est pas ça qui peut empêcher. Enfin, Madeleine a son brevet. La voyez-vous assise au comptoir d'une boucherie? Je ne savais pas qu'elle avait son brevet. Oh, moi, j'espère qu'Alfred n'a rien dit à ma fille qui puisse la troubler. Oh, non, non. C'est une enfant si sensible. Non, non, je disais ça au hasard. Alors, n'y pensons plus. Surtout, n'arrive pas après 8h30. Pense que chaque minute d'attente me séchera les veines. Lucienne, je vous promets que vous n'attendrez pas. Oh. Ne faites pas de toilette comme aujourd'hui. Viens boucher tes galoches à la main. Quand tu es en complet, je t'aime déjà moins. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mais non, je plaisante. Tu es toujours aussi beau. Tu es toujours aussi fort. j'entends la voix de mon mari. Ramasse ton chapeau. Mais non, ne le mets pas sur ta tête. À la main. Parlez-moi du concert. Le concert? Oui, oui, parlez-moi du concert. Ah, le concert. Oh, il était très réussi, le concert. Ah, tiens, vous êtes ensemble, hein? N'est-ce pas, monsieur Moreau? Le concert était bien réussi. Te voilà enfin. Ce n'est pas malheureux, après m'avoir abandonné tout un après-midi. Couvrez-vous donc, monsieur Duxin. J'ai passé mon temps à vous chercher, Madeleine et toi. Ainsi, tu n'étais même pas avec Madeleine? Non, j'ai retrouvé papa il y a 10 minutes. De mieux en mieux. J'étais assez ridicule, moi, qui arrêtais tout le monde pour savoir s'il en avait vu mon mari. Encore une fois, monsieur Duxin, je vous demande pardon. Mais il n'y a pas de quoi, madame Moreau. Enfin, voyons du ciel, je ne me suis pourtant pas caché. Je suis passé plusieurs fois dans cette allée. Monsieur Duxin m'a vu. Naturellement, monsieur Duxin ne dira pas le contraire. Il faut bien que monsieur Duxin m'ait vu, puisque nous nous sommes réconciliés. Comment? Mais vous ne m'aviez pas dit que... Réconciliés? Oh, tant mieux. Vous pouvez remercier monsieur Duxin. Sans lui, je serais peut-être à l'hôpital. Figurez-vous que j'ai été attaqué par un sale individu, une graine d'anarchiste, qui traînait des revolvers dans sa poche. Heureusement, monsieur Duxin est intervenu avec un à propos, une vigueur. Oh oui, monsieur Duxin est fort. S'il est fort, je crois bien. C'est qu'il est bâti en athlète, tout en muscles, avec des biceps comme mes cuisses. Non, tais-toi, Moreau, tu es ridicule. Enfin, je te dis comme mes cuisses, tu ne vas pas me contredire. Oh non. Ça devait être un beau spectacle que mon mari aux prises avec un anarchiste. Il fallait le laisser. Mais je suis sûr que monsieur Moreau se serait très bien tiré d'affaire tout seul. Naturellement. Non, fais donc pas le malin, Moreau. Tu devais pas être si fier tout à l'heure. Je te vois d'ici, jaune comme un citron et tremblant de tous tes membres. Madame Moreau, avec votre permission. Non, laissez-moi parler, vous. Il faut que je lui dise aujourd'hui ce que Madame Moreau. Non, je voulais simplement vous dire qu'il est tard. Maman. Oh, toi, Madeleine, je te prie de garder le ton qui convient à une gamine de ton âge. Mais maman, j'ai rien dit. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Depuis quelque temps, je trouve que tu prends des allures qui ne me vont pas. Mais maman, je t'assure que j'ai rien changé. Cet après-midi, pour ne parler que d'aujourd'hui. T'as trouvé le moyen d'échapper à la surveillance de ton père et à la mienne. Mais je vous avais perdu. Tu n'avais qu'à rentrer à la maison. Il ne me plaît pas que ma fille passe pour une exaltée, une évaporée, auprès des gens qui nous connaissent. Bon, je vais vous laisser. Mais non, voyons, marcher donc avec nous, monsieur Duxin, ça fait plaisir à ma femme. Je prends votre bras. N'est-ce pas, Lucien? Mange ton Moreau, il va être 8h30. Lucienne, tu ne m'aimes plus. Attache ta serviette à ton cou. Les choses ne vont pas comme autrefois. C'est vraiment pas la peine que tu achètes de si beaux peignoirs. Et du linge. Qui tiendrait dans le creux de la main? Attache ta serviette à ton cou, tu vas encore salir ton gilet. Ah, Lucienne. Il y a quelque chose de changé. Mais il n'y a rien de changé. Bois ton café et descends au magasin. Je te dis qu'il est 8h30, tu vas pas t'éterniser ici. Je te gêne, non? Tu me gênes. Ah, Lucienne, comment peux-tu dire, moi qui suis déjà malade? Mais je ne refuse pas de te soigner. Pourvu que tu me fiches la paix. Oui, mais je ne suis pas malade au point de... Je veux dire que les contractions de l'estomac n'intéressent pas la région du... Moreau, je te défends d'être grossier. Bois ton café. Ah. Je suis grossier, maintenant. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, Marie ne peut plus parler à mais sa mais n'insiste femme. Pas. Rappelle-toi, Lucienne, comme nous avons été heureux. Rappelle-toi. ne dis pas les années passées, mais cette année même. Ensemble, en tête à tête, nous comptions la recette de la journée, nous parlions des clients, des commandes. Je ne me suis jamais désintéressée des affaires. Nous étions d'accord, nous allions la main dans la main. Encore au mois de février, quand j'ai acheté de l'électrique 5%, est-ce que tu ne m'as pas approuvé? Oui. Nous avons acheté à 140, il est à 175. Tu vois bien. Je me rappelle qu'une fois, tu avais acheté une chemise de dentelle sans m'avertir. Mais je m'en souviens, c'était l'année du grand ministère Poincaré. En cachette, tu l'avais acheté, mais c'était pour me faire une surprise. Assez de souvenirs, mon roi, assez! Ah, tu m'appelais ton chéri 10 fois par jour. Ton mignon, ton trésor, ton chéri. Mais tais-toi, je n'ai jamais pu dire ces choses-là. Mais parfaitement, tu m'appelais ton chéri. Ben, c'était bien naturel, tu m'aimais. Non, je ne t'aimais pas. Amoureuse de Moreau, moi? Tu es fou. Ben, pourquoi pas, amoureuse de Moreau? Oh, pauvre homme. L'amour a une autre figure, un autre souffle. Il est fort comme une bête. Il prend les femmes à plein bras, à pleine main. Il les brise. Il les écrase, il leur saoule le ventre. Allons, bois ton café. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton ventre? Tu as été heureuse, tu me l'as dit. Mais si, si, tu me l'as dit. Je n'ai jamais pu être heureuse, jamais. Si tu veux des détails... Non, si tu veux une paire de claques. Je voudrais bien voir. Ne ricane donc pas, imbécile. Si tu pouvais deviner tout ce que j'ai en tête. Tiens, affiche-moi le camp. Descends au magasin sans déjeuner, descends. Non. Lucienne... Bon, je te demande pardon. Oh, je m'en vais. C'est moi qui ai peur maintenant. Ah, cette fois. Tout est par terre. Comment pouvoir espérer encore? Je me disais... Déjeuner. Non, entrez, monsieur Duxin, entrez. Je venais à propos de réparation. Je voulais voir votre cheminée. Elle doit avoir des fissures, non? Oh, mon pauvre ami, il s'agit bien de cheminée. Si vous saviez ce qui arrive. Quoi? Elle est malade? Non. Non, je peux pas vous le dire, j'ai le cœur serré. L'estomac qui se contracte. Un accident? T'en parler d'un accident quand le mal a couvé si longtemps. Mais parlez, bon Dieu, parlez! Monsieur Duxin, elle ne m'aime plus. Ah, bon. Elle vient de me le dire ici même. Oh, elle n'aurait pas dû. Depuis 2 mois, je peux pas vous dire à quel point elle a changé. Ça, forcément. Ah non. Je perds la tête.